Chapitre 7. Comment Lazare entra au service d'un chapelain et ce qui lui arriva. Ensuite, je servis un maître peintre de tambourin pour lui broyer ses couleurs. Et là encore, je souffris mille maux. Or, étant en ce temps assez grand garçon, un jour que j'étais entré dans la grande église, l'un de ses chapelains me retint à son service et me bailla en charge un bon âne, quatre cruches et un fouet pour porter l'eau par la ville. Ce fut le premier échelon que je gravis pour atteindre la bonne vie, car alors je mangeais à ma faim. Chaque jour, je rapportais de gain à mon maître 30 maravédis, le samedi excepté, où je gagnais par moi seul, et, outre cela, tous les jours, le surplus des 30 maravédis m'était encore laissé. Le métier me réussit si bien qu'au bout de 4 ans, avec ce que j'avais épargné, je pus me vêtir fort honorablement à la friperie, où j'achetai un pourpoint de futaine, un saille râpé à manches passementées et à pochettes, un manteau qui avait été frisé et une épée de cuéllard, des vieilles premières. Dès que je me vis en habit d'honnête homme, je dis à mon maître de reprendre son âne, ne voulant plus continuer ce métier.